mal de paille. Quand on a repris la route, les premières gouttes sur les vitres sont tombées dès notre arrivée. L'orage a fait tomber sur nous toute la pluie du ciel. L'orage nous a surpris des en attendant l'arc-en-ciel. Moi, je me suis abri. Le lendemain matin.